Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un durion. Maître Renard, par l'odeur alléchée, s'en alla crier famine chez la fourmi sans voisine. Elle lui présenta une cigogne de ses connaissances. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, lui dit-elle. »